Allez, on peut dérouler tranquillement l'aspect française maintenant avec la dernière signature des acteurs de l'ombre, dernière signature française. Houle, ça nous vient de région francilienne. Ils nous sortent là non pas un album mais un premier EP. Ce nouvel et premier effort studio nous propose une espèce de black mélodique chanté en français avec une ambiance océanique, hein, parce que le thème principal est basé sur les fonds marins. Quatre titres d'une durée assez généreuse. C'est furieux, épique, mélancolique, une ambiance aventureuse dans l'ensemble. C'est mené par une vocaliste à la voix bien écorchée. Houle, le nouvel EP porte le nom du groupe. On s'écoutera le titre Sous l'astre noir. Et en doublette, une formation lyonnaise, Iron Deficiency. Voilà, ça fait pareil partie des toutes meilleures sorties de ce deuxième semestre 2022. À découvrir de toute urgence la formation venue de la région lyonnaise. Voilà, 8 titres ultra furieux, une grosse quinzaine de minutes, et la messe est dite, et l'affaire est pliée. On the Edge, extrait de l'album Morning the Burning House, une sortie Youth Authority Records, c'est parti. doublette suivante, du crasseux, du puissant, du violent, sépulcre haut et court. Ensuite, sépulcre, c'est une formation de putrid death, caverne death, qui nous vient de Bretagne. Ils sortent là un premier EP après une démo qui a eu le jour en 2020. 4 titres pour environ 25 minutes, donc on est sur des titres assez longs et généreux, du death baveux dégoulinant qui pue la crypte, bien, bien salace. On est sur un petit line-up de mecs bien expérimentés dans le domaine, hein, des membres ou ex Necrowretch, Skeletal, Cadaveric Fumes et autres Venefiction. Voilà, ça pue, c'est dégueulasse, c'est malsain. Et ça fait sacrément bien le taf. Sépulcre, Cursed Way of Cheol. On s'écoutera d'ailleurs le titre de l'EP. Et ensuite, haut et court, du Grindeth qui nous vient d'Europe de l'Est. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur haut et court? Et bien, ils ont bénéficié d'un petit focus la semaine dernière, parce que c'était un petit coup de cœur pour l'ami Thibaut. Un EP Grindeth, Power Violence, Punk Hardcore. À recommander aux fans de Nezum, Nails, Wormrot ou autres Trap Them. Oui, il court, voilà, les présentations sont faites. On s'écoutera le titre Relentless et Humility, extrait du nouvel EP Collapse. C'est parti, sépulcre haut et court. Et la dernière doublette dans l'aspect française pour ce soir, c'est une doublette de nouveautés. Nous retrouvons tout d'abord Monolith, le groupe de Cosmic Doom francilien qui vient de sortir son 9e album studio en près de 20 ans d'existence. Un disque toujours généreux, qui n'a que 5 titres, mais chacun des titres fait 10 minutes, sauf un qui fait 26 minutes. Voilà, c'est généreux, c'est planant, 70 minutes de musique. Un concept album qui parle de l'histoire de l'exploration spatiale, aussi bien du côté soviétique de la fin des années 50 à ces dernières décennies. Un véritable voyage auditif copieux, mais pas non plus étouffant. À mes souhaits, merci. Une base purement doom, qui tire un petit peu entre le funéral et le mélodique. Voilà, le titre de ce soir fait initialement 10 minutes, donc on l'a réduit à 7, mais on vous invite à écouter les podcasts pour l'avoir en entier, et encore plus, à vous procurer l'album pour l'écouter dans son intégralité. Monolith, ce nouvel effort, s'intitule Cosmodrome, une sortie Type Tomb Production, label nanto-parisien, si l'on peut dire. Et en doublette, une formation Tourangelle, une nouvelle formation Tourangelle, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas eu ça par chez nous. C'est un one-man band, le groupe, le projet, s'intitule Deuil Songe. On est, sans trop de surprise, sur du black. Dans cette EP, on retrouve 7 titres, 3 interludes, une grosse vingtaine de minutes. On est sur un black viscéral et torturé, rehaussé de quelques arrangements plutôt bien senti. Ce premier EP s'intitule Par un soleil noir et on s'écoutera le titre Le Molosse. Et juste avant ça, Monolith avec le titre Voskhod. C'est parti. avant de repartir sur la diff internationale, vu qu'on vient de clôturer la spé française et qu'en plus on a clôturé ça avec un groupe venu de Touraine, l'occasion de vous rappeler la tenue du 3e Winter Rip, festival d'hiver propulsé par Riposte Asso. Hein, ça aura lieu le 17 décembre au 37e parallèle à Tournord dans la zone de Choiseul. Au programme 9 groupes, 15 euros en pré-vente, 20 euros sur place. Le trio de tête Suicidal Angels, le groupe de trash crossover venu de Grèce. Verbal Razor, le groupe de trash crossover tourangeau, et In Other Climes, le groupe de metalcore toulousain. Voilà, plus d'infos sur les réseaux, bien sûr, de Riposte, et continuez à soutenir les initiatives du genre, tout simplement pour avoir encore et encore dans les années à venir. Retour donc à la diff musicale internationale avec Sixteen, tout d'abord. Sixteen, c'est une formation qui nous vient des US. On avait déjà diffusé les précédentes sorties des vétérans du sludge formés en 1991. Ils sortent là leur 9e album studio, Cherry Labs Records. Un sludge dans la plus pure tradition, quelques éléments punk hardcore, hein, les limites du sludgecore par moments. On est sur des trucs... des tempos un peu plus soutenus. On a un chant rugueux et des vocaux un peu plus clean. Ça tient clairement bien le rang avec des Hyatt God, Crowbar ou autres Weed Eater. Voilà donc pour Sixteen, et ce nouvel effort studio s'intitule Into Dust. Et en doublette, une autre nouveauté, un groupe sur lequel j'ai flashé en même temps que Cage. Suivez la chaîne YouTube si vous êtes un peu dans ce domaine musical là. La chaîne YouTube qui s'appelle Brutalius 666, parce que y a plein de nouveautés. C'est un peu l'équivalent de Black Metal Promotion, mais pour la scène core. Ground, c'est la nouveauté que l'on va s'écouter tout de suite. Ça nous vient du New Jersey, c'est actif depuis 10 ans. On est sur un mix Grind Power Violence, un peu punk, et même avec des relances lames, et pour cause, puisque dans les rangs de Ground, on compte tout simplement le bassiste et le guitariste de Waking the Cadaver, le groupe de Slamming Brutal Death ricain bien connu. Voilà, un groupe à recommander aux amateurs de Fuel of Hell et autres Peak Destroyer. Et tant qu'à faire, si vous aimez Waking the Cadaver, vous êtes les bienvenus pour découvrir la musique de Ground. Ce nouvel effort studio s'intitule Habitual Self Abuse. Il est déjà dispo, on s'écouterait le titre Shift. Et Sixteen, on s'écoutera le morceau Ash in the Hourglass. C'est parti. Can't live L'émission défile, vous êtes toujours à l'écoute d'Elbanger, le rendez-vous mettez le dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. C'est déjà l'heure de l'avant-dernière doublette de ce soir, puisque nous avons Woods of Desolation, qui est la dernière nouveauté de l'émission d'aujourd'hui. Woods of Desolation, c'est du One Man Band. C'est du One Man Band, n'importe quoi. C'est un One Man Band de Black Atmo, Post Black, qui sort là son quatrième effort studio chez Season of Mist, actif depuis 2005. Le projet était plus ou moins en suspens depuis 2014. Donc là, 6 titres, des compos qui, pour le style, ne sont pas très longues, hein, qu'entre 4 et 7 minutes. On retrouve le batteur de Drukt pour assurer les sessions de Tam Tam, également les parties de clavier. C'est pas déconnant, sachant que Woods of Desolation et Drukt, musicalement, c'est assez sensiblement proche. Mes excuses une fois de plus. Woods of Desolation, ce nouvel effort studio, s'appelle The Falling Tide. Hop, hop, hop. Quand on s'écoutera l'émission, il ne sera pas encore sorti puisqu'il est prévu pour le 9 décembre. On s'écoutera le morceau Illumination. Faetus, ensuite, une formation 100% féminine. Un quatuor qui nous vient de Los Angeles. On est sur un doom gaze un peu atmosphérique, avec des nappes de vocaux clean et également des parties vachement plus cradingues, très proches du sludge. On est sur un doom planant, écrasant, presque hypnotique et riche globalement. Ce nouvel effort studio de Faetus s'intitule Remnant of the Vessel. Il est déjà dispo et on se coûtera le titre en français, La Sorcière. C'est parti. Et voilà, c'est l'heure de la doublette de clôture pour l'émission de ce soir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission. Une nouvelle émission dans laquelle nous aurons un invité, bien évidemment, pour parler du Winter Rip plus en détail. Et puis normalement, en plus, l'émission devrait pouvoir atterrir sur les podcasts des différentes plateformes de streaming, telles que les plus connues, Deezer, Spotify, etc., etc. Avant ça donc, on se quitte avec Terror Hammer, qu'on a pu largement apprécier cette semaine aux Canadiennes. Putain de set de la part du groupe de Proto Trash Black venu de Serbie. Putain, c'est old school et ça déboîte comme il faut. Voilà, deuxième effort studio, une sortie sur label Osmos Productions, label français. Voilà, nouvelle galette, 9 titres pour 35 minutes, c'est sauvage, c'est ultra true, hein, j'avais les horns up qui me démangeaient toute la soirée. Ça déroule et c'est hyper bien foutu et c'est surtout ultra riche en fait, d'autant plus sur scène on s'ennuie zéro. Ça va chercher dans les inspirations à la sauce Midnight, les vieux Venom, les vieux Creator, c'est ultra stylé. Et en clôture de l'émission de ce soir, Casquette Rubbery, le groupe de Death Ricain existant depuis une douzaine d'années. C'est à la fois brutal et groovy, sur l'exemple d'un Jungle Rot, avec un petit soupçon de vieux mélodesse sur l'ensemble, notamment apporté par la vocaliste, avec un timbre de voix qu'on peut rapprocher des anciens albums où apparaissait Angela Gossow dans Art in Me. Voilà, Rituals of Death, c'est le nom de ce nouvel effort de Casquette Rubbery. On s'écoutait le titre Old Ones, et le titre de Terror Hammer, Getaways to Hades, c'est tout simplement le nom de leur nouvel effort studio. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. Rendez-vous dimanche prochain. Ciao, ciao.